C'est une des plus grandes vagues connues de désertion. Si beaucoup d'entre eux se sont retrouvés en France, alimentant le besoin en main-d'œuvre des Trente Glorieuses, d'autres se sont installés au Luxembourg, en Suède, aux Pays-Bas, au Danemark et au Royaume-Uni. Si la plupart ont été appuyés par des réseaux familiaux ou amicaux, des organisations formelles ou informelles et des comités de soutien aux déserteurs tentaient de leur venir en aide, voire d'exhorter à la désertion. Après le coup d'État du 25 avril 1974, qui mit fin à la dictature de l'Estado Novo, un grand nombre de déserteurs politiquement très actifs sont rentrés au Portugal. Ils ont été des acteurs importants du bouillonnement révolutionnaire du PREC. Rien ou peu a été écrit sur les déserteurs des guerres coloniales portugaises. Il est temps de leur rendre hommage et d'en parler un peu sur l'émission Civis Pacem à Radio Libertaire. Eh bien, merci Hugo. Avant d'entendre les témoignages directs de nos amis portugais, Pedro va se faire un plaisir de nous passer une petite minute de musique ou deux de ton choix. Okay. Un gros ours aux gencives violettes et aux poils chenus de chat. Ah, des problèmes techniques. Pourtant, nous avons un excellent technicien. Ça doit venir du studio. Hein. Est-ce un sabotage? Apparemment, c'est le technicien a déserté. Ne pas lire le fichier. Bon, alors vous pouvez continuer à parler un petit peu pendant que je cherche le problème technique. Oui. Oui, c'est si vous voulez, je fais une chanson. Oui. Vous pouvez continuer à discuter un petit peu sur la désertion pendant que je cherche le problème technique parce qu'il ne veut pas lire notre fichier. Sinon, oui, c'est bien peut-être musique, présenter les gens qui sont ici. Oui, parce qu'on a prévu. On écoutera. Parce que, du coup, donc on a avec nous Vasco Martins. Donc qui est un insoumis et qui est donc parti, il va nous expliquer, mais donc il est parti du Portugal pour fuir la conscription qui l'aurait emmené faire la guerre dans les colonies portugaises et après entre autres dans une vie extrêmement intéressante qu'il ne pourra pas détailler complètement ici et il a été un des animateurs des réseaux qui aidait les déserteurs et qui exhortait même les Portugais à déserter à l'époque. Et donc on a aussi Rui Merles. Rui Merles. Oui, Rui Merles, oui. Donc qui lui est né en Angola. Non. Je suis de l'Angola. Ah oui, tu es né. Je suis parti de l'Angola à l'âge de 18 ans. Toute ma famille est de l'Angola, les parents, oncles, tantes, frères, sœurs, tout le monde est né en Angola, mais moi je suis le seul qui est né au Portugal pendant les vacances de mes parents, car mon grand-père qui était au Portugal était très mal, donc voilà, ils sont venus, et je suis né au Portugal, reparti en Angola aussitôt, et je suis reparti de l'Angola pour des raisons que j'expliquerai tout à l'heure. Je suis reparti de l'Angola à l'âge de 17 ans, presque 18 ans. Voilà. Et nous allons pouvoir redonner l'antenne à notre ami Pedro, qui a réussi à sortir de sa technique. Je ne le critiquerai pas, je ne saurais pas le faire. Vaqueia, muralha imperialista. Na ponta de uma espingarda, os povos da Indochina. Barrem da terra sangrentão, o fantoche de Kissinger. Barrem da terra sangrentão, o fantoche de Kissinger. Mas aqui também semeias no pátio da tua fábrica. No largo da tua aldeia, fome, a prostituição. São filhas da mesma besta que Kissinger tem na mão. São filhas da mesma besta que Kissinger tem na mão. na luta que nos espera. Só não há vida possível na liberdade comprada. Na liberdade vendida, a morte é mais desejada. Na liberdade vendida, a morte é mais desejada. Chega netos abaixo do hidroavião. Na ponta de uma espingarda, o povo da Palestina mandou a Golda Meir uma mensagem divina. Mandou a Golda Meir uma mensagem divina. Dacia, não tenhas pena, tem carne viva nas garras. É a bomba de Kissinger toda a América Latina. Se lembra das suas farras, a mesma tropa domina. Se lembra das suas farras, a mesma tropa domina. A mesma tropa domina, só um é embaixador. Mas nada nos abalança, dormir sobre a calçada. Faz como o trabalhador, dorme sobre a tua enxada. Faz como o atirador, dorme sobre a espingarda. Faz como o atirador, dorme sobre a tua enxada. Faz como o atirador, dorme sobre a espingarda. Faz como o trabalhador. Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire, à l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste. Après cette présentation hein, de la situation du Portugal, des guerres coloniales qui se passaient là, à l'époque, nous avons donc, dans les années 70, hein, ou 60 déjà, hein, 60 et 70, enfin ça. Nous allons maintenant voir donc le témoignage de Ruy, qui a été déserteur de l'armée portugaise en Angola. Non, c'est pas tout à fait en Angola, mais bon, je suis parti de l'Angola pour des raisons précises. Mon père a fait partie de... c'est un des créateurs du mouvement pour la libération de l'Angola. Il a été emprisonné en 58 et la guerre entre les Portugais et l'Angola a commencé en 1961, 4 février 1961. Mon père a été condamné dans un premier temps avec pas mal de gens, puisque le procès de mon père est un procès connu là-bas, qui était le procès des 50. Et mon père a été condamné dans un premier temps à 23 mois de prison. Donc la LAPID, qui était la police politique portugaise, a été envoyée pour la première fois en Angola. En Angola, jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas de police politique. C'était les administrateurs coloniaux qui faisaient cette police-là. Et donc eux, la seule chose qu'ils faisaient quand des gens étaient pris ou qui avaient fait des papiers, qui avaient distribué des papiers, qui considéraient un petit peu révolutionnaires comme des gens comme Dascalos, Bernardino, etc. Ils les prenaient, les envoyaient dans d'autres régions d'Angola. Et ça a duré à peu près 10 ans. Et au bout de 10 ans, le gouvernement du Portugal a décidé que c'en était trop, que ils sentaient que le mouvement prenait de l'ampleur, que ça, bon, à l'époque, c'était surtout Luanda et ses alentours, Luanda, la capitale de l'Angola. Ils ont décidé donc d'envoyer la police politique, la PID, là-bas, qui a commencé par faire des rafles énormes, et d'abord dans les quartiers, et ensuite dans les quartiers limitrophes de Luanda, et ensuite ils se sont attaqués aux intellectuels qui étaient engagés dans différentes actions à Luanda, des actions plus ou moins intellectuelles. Donc mon père a été, ils sont venus le chercher une nuit en 1958, il a été jugé, condamné dans un premier temps à 23 mois. Son avocate de l'époque a fait appel, Et donc, ils ont été punis pour avoir fait appel. Ils leur ont donné 50 plus. À ce moment-là, les considérés leaders, hein, qui étaient mon père et quelques-uns d'autres, ont été envoyés en partie au camp de concentration de l'île de Tarrafal, au Cap-Vert. Et mon père et les autres, et trois autres, qui étaient, peut-être les plus importants au vu du régime, ont été envoyés à la prison de Caxias à Lisbonne. Et donc mon père est resté en prison, et donc en 1966... ma mère et puis moi et mes frères et ma sœur, on a rejoint mon père au Portugal, parce que même après avoir été libéré, il n'avait plus le droit de retourner en Angola. Il était interdit de séjour là-bas, et il n'avait même pas le droit de quitter le district de Lisboa. Hein, c'est-à-dire que tous les mois, il fallait qu'il aille pointer au siège de la police politique, de la PIDE, qui était Rua António Maria Cardoso à Lisbonne. Donc tous les mois, il fallait qu'il aille là-bas pointer pour dire qu'il était là. Voilà. Et ça, jusqu'en 73, alors que sa peine était finie depuis 1965. Et voilà. Ça rappelle des heures sombres. Oui, des heures sombres, oui. Et donc, moi, je me suis retrouvé à 18 ans à Lisbonne. Donc, à 21 ans, études ou pas études, j'étais obligé de rentrer à l'armée. Enfin, avant de rentrer à l'armée, il y avait l'inspection médicale que j'ai fait à Paredes, dans le nord du Portugal, la ville de mes grands-parents paternels. Et puis après, ils m'ont envoyé faire qu'ils appelaient psychotechniques. C'était des trucs pour voir si j'étais pas complètement débile ou un petit peu débile. Enfin bref, ça servait à ça, quoi, en gros. Bon. Et puis après, ils m'ont envoyé à la caserne de Spigno, au nord de Porto. Et puis voilà, là j'ai eu l'ordre de marche, j'étais mobilisé pour le Guinée. C'était une façon de rentrer à l'armée très bizarre, parce que normalement on faisait ce qu'ils appelaient la recrute, c'est-à-dire le je sais plus comment on peut appeler ça dans l'armée française, le début de l'armée. On faisait la recrute, et c'est après qu'il y avait tout ça. Mais les classes en France. Alors les classes, voilà, les classes. Alors le problème, c'est que moi, avant ça, j'ai été emprisonné un mois à Lisbonne pour rien. Ils m'ont emprisonné pour rien. C'est-à-dire que un jour, je me trouvais à la fac technique de Lisbonne, et il fallait accrocher un grand panneau sur la façade de la fac contre la guerre coloniale. J'ai aidé à faire ça, à accrocher ça. Puis après, j'étais pressé de partir parce que j'avais rendez-vous chez le dentiste. Non, mais c'est véridique ce que je vous raconte là. Et je suis sorti, et puis hop, ils m'ont attrapé et ils m'ont foutu un mois en prison pour ça. Voilà. Donc, est-ce que c'est ça qui a ensuite influencé tout le reste de l'histoire ? Je ne sais pas. Et puis, quand ils m'ont libéré, je suis allé à Lisbonne. J'ai marché pas mal, j'ai demandé pas mal de renseignements à des gens que je connaissais, puisque comme j'avais pas mal participé à la campagne électorale présidentielle de 1969, les campagnes électorales de l'époque, on sait comment que c'était, hein, c'était toujours le même qui était réélu, hein, tu pouvais faire la campagne, à la fin, c'était quand même Caetano qui était élu. Bon, et donc j'avais connu pas mal de gens, et moi j'étais pas mal actif, quand j'ai pris la décision de partir, parce que je ne sais pas si vous savez ce que c'était pour un jeune de 21 ans à l'époque, prendre cette décision-là de partir pour ne plus jamais pouvoir revenir, oui. Parce qu'on était très très loin de s'imaginer qu'il allait y avoir un coup d'État en... en 74. Tout ça, nous on partait, c'était pour toujours, c'était fini, on pouvait plus jamais. On avait la police militaire derrière nous, donc on ne pouvait plus revenir en arrière. Donc c'était une décision lourde à prendre, qui nous dépassait largement. Donc, avec des risques aussi. Mais ça, les risques, on ne les mesurait pas, on ne les connaissait pas. Pour nous, c'était... c'était une c'était le noir total, on savait pas ce que c'était une frontière. Donc il y a des camarades à l'époque qui m'ont gentiment, d'ailleurs j'ai amené la copie des plans, donc ils m'ont dit voilà, il y a trois possibilités, ou tu passes par telle frontière ou telle autre. Et puis finalement on a opté par la frontière qui nous paraissait la plus simple, où il n'y avait pas de rivière à traverser, etc., qui était la frontière de Fuentes de Ñoro en Espagne et Vila Formosa au Portugal. Et on a passé la nuit comme ça, et puis on a pris le train. Au début, on ne prenait que les lignes internes. C'était le conseil qu'on nous donnait, c'était d'éviter de prendre des lignes internationales, les lignes internes. Et puis après, on en avait ras-le-bol, on dépensait plein d'argent et tout. Et on s'est dit, bah, tant pis, on va prendre la ligne qui va directement en France, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Et on a pris la ligne et on a été contrôlé par la police dans le train, qui nous a dit quand vous arrivez à Hendaye, mes collègues vous attendent et vous repartez au Portugal. Et puis en fait, en cours de route, qu'est-ce qu'on a fait dès que la police est partie, qui nous ont un peu... Ils ont continué à contrôler tout le train. C'était un train où il y avait plein d'immigrés et tout, donc ils avaient du boulot, heureusement pour nous. Et puis on s'est approché des portes, et dès que le train a un petit peu ralenti dans un virage, on s'est jeté du train, tous les deux. Parce que j'étais avec un copain que lui, par contre, n'était même pas... Il était bien plus jeune que moi, il était même pas... il avait même pas donné son nom pour l'armée, rien. Donc lui, il risquait rien. Et puis après, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On a marché, on est sauté du train aux alentours de Saint-Sébastien. Et puis on s'est dit, la France c'est par là, on y va, quoi. Voilà, et puis on est arrivé, c'était les Pyrénées. On a dit, les Pyrénées, on va passer les Pyrénées, hein, ça doit pas être compliqué, quoi. Et puis, moi, je venais de l'Afrique. En Afrique, on allait partout, mais c'était plutôt plat, hein, il n'y avait pas trop de montagnes. Et puis, on a commencé, vers 9h du matin, on a attaqué les Pyrénées. Et on a été rattrapé par la Guardia Civile vers 3h d'après-midi. Enfin, en fait, c'est plutôt les chiens de la Guardia qui nous ont attrapés. Et puis, la Guardia, ils ont, ma foi... Ce jour-là, il devait avoir quelque chose d'important à faire. Il ne voulait pas trop s'encombrer avec nous. Donc, ils nous ont dit, écoutez, on vous amène à la douane française. Si vous laissez entrer, très bien. Si vous ne laissez pas entrer, nous, on vous rapatrie au Portugal. Et c'est ce qui s'est passé. C'est sympa. Petite précision, hein, si je peux me permettre. Oui. Tu as obligé de dire que c'était au mois de janvier. Voilà, c'était au mois de janvier. Ouais. Ça caillait drôlement. Voilà. Et heureusement que la Guardia nous a attrapés, parce que je crois qu'on se lançait dans une drôle d'opération de passer les Pyrénées sans connaître, que j'ai pu connaître longues années plus tard. J'ai pu connaître les Pyrénées et je me suis dit, on était franchement inconscient d'essayer de passer ça. Mais bon. Vous aviez pas le choix, tout simplement. On n'avait pas le choix, c'est sûr. De toute façon, on a longé. Ce qui séparait la France de l'Espagne, c'était une rivière. Donc on a d'abord longé longtemps la rivière en se disant, il y a bien un moment où il y a un pont. Ben non, il n'y avait pas de pont. Il n'y avait rien. Donc on a fini par enlever le pantalon, tout. Et puis on a traversé la rivière comme ça, avec tout sur la tête. Et comme on voit dans le film au Salto, on voit les immigrés qui traversent une rivière comme ça. On avait quand même de l'eau à peu près jusqu'à la ceinture. Et on a traversé, et puis après on a continué de l'autre côté. Très rapidement, on a entendu gueuler derrière, on a compris qu'on était suivi, on n'était pas seul. Puis voilà, on s'est présenté à la douane française à Hendaye. Et puis, bon, mon copain, lui, il n'était même pas en âge militaire, donc ils l'ont laissé rentrer rapidement. Moi, comme j'avais une carte d'identité qui était une carte d'identité portugaise, mais établie en Angola, hein, puisque c'était territoire portugais, ça les a un petit peu chiffonnés, et donc ils m'ont gardé un bon moment. Ils ont téléphoné à toutes les frontières pour savoir si j'étais pas connu, etc. Ça, c'était en 1971. Hein. Et alors, après, bon, ils m'ont lâché, ils m'ont même donné un espèce de papier pour que je m'adresse à l'OFPRA, à l'Office français de protection et réfugiés et apatrides, à Paris. Et voilà, et je suis arrivé à Paris. Voilà. Et je me suis débrouillé tout seul. Je n'ai pas été ni dans des réseaux, ni dans des... Je me suis débrouillé de trouver du boulot, de vivre ici. Quoi. Sans trouver d'autres camarades portugais, d'associations. Si, j'ai trouvé, je me suis adressé à des gens que je connais ici, comme Louis Schill et d'autres. Mais très rapidement, moi, ce que je voulais, c'était trouver du travail et vivre. On prévoit. Mmh. Oui. Voilà. Et donc. L'insertion n'a pas été trop difficile. Bah, trop difficile, comme n'importe quel jeune de l'époque de qui a 21 ans et qui a envie de un petit peu, j'essaie un petit peu de j'ai fait plein de boulots différents, j'essaie. À l'époque où la France avait besoin de main d'œuvre. Oui, aussi. oui. Mais déjà à l'époque c'était difficile. Moi, je me souviens d'avoir déchargé des camions à Rungis, de faire toutes sortes de boulots pour des gens qui n'ont pas de qualifications spéciales. J'ai fait beaucoup de petits boulots en tout genre, travaillé dans le bâtiment. J'ai absolument tout fait. Hein. C'était, faut pas croire. Hein. Même en 1971, un jeune qui arrivait en France. Même s'il avait envie de bosser, c'était pas évident, hein. C'était dur de trouver du boulot. Hein. Nous allons faire une petite pause musicale, si tu veux bien. Là. D'accord. Avec notre ami Monsieur Pierre, qui est chanteur et guitariste, et qui chante directement du studio. Et il faut le préciser, qui est le fils de Rouille. Donc un fils qui a pas mal tourné. Qui crée un peu le sens voilà. D'être ici. Donc je vais faire une chanson qui s'appelle Golf d'Aden, qui n'est pas en direct lien avec le sujet, mais qui parle des pirates de Somalie et de l'expérience justement d'un pirate, voilà, qui parle de son point de vue de sa situation. Ici, quand les hommes partent, on ne sait jamais s'ils reviendront. Faut pas chercher dans les cartes, l'issue est toujours à l'horizon. Pour leurs femmes, ils sont pêcheurs, mais ils ne ramènent pas de poissons. Ils ont un pavillon noir dans le cœur et une tête de mort en écusson. Dans les eaux du golfe d'Aden, au large de la Somalie, on vit de ce que la mer nous amène. Ce n'est pas la haine qui nous entraîne à semer la zizanie ici, dans les eaux du golfe d'Aden. Il n'y a pas grand chose, la terre est sèche comme la lune. Il faut être virtuose pour en tirer quelques fortunes. Alors on se tourne vers le large, on y voit passer des trésors. La faim nous pousse à l'abordage, au risque d'attraper la mort. Dans les eaux du golfe d'Aden, au large de la Somalie, on vit de ce que la mer nous amène. Ce n'est pas la haine qui nous entraîne à semer la zizanie ici, dans les eaux du golfe d'Aden. tête se détache dans le crépuscule. Après deux jours d'une mer agitée, notre pirogue à l'approche semble minuscule. Je n'ai plus que de la bile à régurgiter. Tous les versets du Coran aux vertus édulcorantes auront beau être récités, si mon corps en pâture est versé dans le courant, aussi grand soit Dieu, il ne voudra le ressusciter. Dans les eaux du golfe d'Aden, au large de la Somalie, on vit de ce que la mer nous amène. Ce n'est pas la haine qui nous entraîne à semer la zizanie ici, dans les eaux du golfe d'Aden. Merci Pierre. Merci. Ouais. Bravo. Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire, à l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste. Alors, nous allons reprendre un peu les problèmes des déserteurs et insoumis. Monsieur, en fait, par rapport au témoignage qu'on vient d'avoir de Rouille, il expliquait que d'une certaine façon, dans son malheur, il avait eu de la chance, en fait. Et il expliquait un peu que l'attitude de la Guardia Civile en Espagne, finalement, avait laissé son sort, en fait, entre les mains de la police française. Et moi, je voulais vous lire quelque chose qui pourrait contrebalancer un peu ce témoignage. C'est une lettre qui a été envoyée au journal Osalto, qui est un journal portugais militant de France des années 70. Et du coup, voilà, je vais vous lire ce courrier. Chers amis de Osalto, le cas que je vais décrire est vrai et il s'est passé au mois d'avril 71 en territoire espagnol. Un soldat portugais de la région de Castelo Branco, qui désirait s'enfuir de la criminelle et injuste guerre coloniale, a résolu de mettre en pratique une honnête décision. Déserter. Il y avait déjà 17 mois qu'il était au service militaire au Portugal et, quand il a reçu ordre de tuer les frères des colonies de Guinée-Bissau, il a résolu de s'enfuir pour la France. Mais malheureusement, il n'est pas arrivé jusqu'ici, car en chemin, il a trouvé des assassins qui l'ont tué. Ces assassins étaient les Carabineros espagnols, c'est-à-dire la Guardia Civil. Puisque, comme tout le monde le sait, le gouvernement fantoche de Caetano a des rapports secrets avec la police espagnole. Notre compatriote, quand il a vu la Guardia Civil, s'est enfui et l'ont tué immédiatement avec une balle. D'accord avec les informations données par la PIDE à la famille de notre camarade déserteur, le gouvernement réactionnaire de Franco aurait dit que ses gardes-côtes ont tué l'homme car ils pensaient qu'il était trafiquant de drogue. Cela parce que dans la dernière semaine, ils ont trouvé des personnes dans le trafic de drogue, enfin des justifications à leur mode. C'est une traduction un peu approximative. Nous ne pouvons pas admettre que nos camarades continuent à être tués par des balles quand ils prennent la juste résolution de déserter de l'armée coloniale. Ici, je laisse mes sincères sentiments de révolte à la mémoire de notre compatriote. Chers amis, je n'ai plus rien à vous dire que vous envoyez mes salutations révolutionnaires, les meilleures. Voilà, c'est un témoignage qui permet un peu de rendre compte de la difficulté de déserter. Parce que c'est vrai que quand tu le racontes, même si c'était une histoire assez, assez dramatique, finalement, c'est vrai que le recul et la manière dont tu le décris, on pourrait imaginer que c'est presque facile. Il faut le... Bah, de toute façon, la Guardia Civile, quand ils sont tombés sur nous, nous, on était à plat ventre au sol, avec les chiens autour de nous qui avaient fait leur boulot, et puis on était en pleurs, et on n'a pas voulu s'enfuir. Hein. On ne tenait pas à s'enfuir, on a bien compris qu'il y avait quand même des risques énormes. Bon, voilà, maintenant... Si on avait continué à s'enfuir et si au lieu du chien, si on avait eu des gardiens civils derrière, peut-être qu'ils nous auraient aussi tiré dessus, hein, ça ne m'étonne pas du tout. Je crois qu'ils étaient capables. Il valait mieux avoir des chiens, quand même. Finalement. On a eu de la chance. On a eu de la chance. Alors, nous allons passer maintenant, si vous voulez bien, au témoignage de Vasco. Oui. Qui lui a été insoumis en quelle année? Moi, je suis parti tout à fait au début de la guerre. Donc, je suis parti l'été de 61. 1961. Du Portugal. Hein, du Portugal. Situe pour. Et donc la guerre, comme Rui a dit tout à l'heure, avait commencé en février en Angola avec la révolte à Luanda. Et ensuite, il y a eu bien sûr une réaction très forte du régime qui a tué beaucoup de gens à Luanda. Et bon, et puis la guerre a eu aussi, c'est un autre mouvement qui venait de ex-Congo belge. Que c'était un mouvement qui était en fait payé par les Américains et d'autres impérialistes et qui a commis des massacres, vraiment atroces. Et la propagande du régime de Salazar en a profité pour dire à nous tous au Portugal à cette époque-là qu'on devait aller défendre donc la patrie, et défendre la patrie pour eux c'était donc aller faire la guerre en Angola. Déjà à l'époque donc j'avais mes 18-19 ans presque. Je suis né dans une ville qui est au bord de la mer, au sud de Lisbonne, qui s'appelle Setúbal. Et c'est vrai que on n'y croyait pas à la propagande. En 58, quand il y a eu les élections pour le président de la République et nous avons manifesté contre le régime, et ça nous a permis d'avoir une idée différente de ce qu'étaient les idées que le régime voulait nous imposer. C'est-à-dire que quand la guerre a commencé, tout un groupe de copains qu'on allait à la plage ont dit non, on n'ira pas faire la guerre en Angola, puisque Angola, c'est Angola, quoi. Ce n'est pas le Portugal, même s'il y a des liens historiques, etc. Mais ce n'est pas le Portugal et que les peuples africains ont le droit aussi d'avoir une patrie comme nous au Portugal, on en avait une. Et c'est ça, ce sentiment qui était très fort pour moi et pour d'autres. Et aussi une question de morale pour nous. Enfin, aujourd'hui, on dirait éthique, mais pour nous, c'était une question de morale de ne pas aller faire la guerre chez les autres, quoi. Et donc, moi, j'étais appelé. J'ai passé le conseil de révision. Et en avril de 61, mais déjà mais déjà avec la conviction de partir. Et ce qu'il y avait donc dans ma ville, c'est on exportait des huîtres vers l'Italie, vers Turin. Et un des copains un peu plus âgé que notre groupe, il était chauffeur dans un camion qui amenait des huîtres de Setúbal à Turin. Et ce qui a fait qu'il y a plusieurs copains qui sont partis comme moi plus tard, en juillet de 61. Et j'ai réussi à avoir un passeport avec une certaine difficulté, valable pour 3 mois, avec le prétexte de participer dans un camp de travail étudiant en France. Les étudiants, il y avait des camps de travail pour travailler dans des vieilles ruines, etc. Enfin, c'était le prétexte. Au passage à la frontière, bon, j'étais soi-disant un aide pour décharger le camion, charger, etc. À la frontière, la police politique m'a demandé « Mais vous avez l'âge pour faire le service militaire ?» J'ai dit « Oui, oui. » « Et vous avez l'autorisation ?» J'ai dit « Non, je n'ai pas l'autorisation. » Et bah, là, au prochain voyage, il faut, faut l'amener. Hein. J'ai dit oui, d'accord, le prochain voyage. Le prochain voyage. Alors, dans le camion, on se marrait après, hein, parce que sur le coup, je n'étais pas très fier non plus. Et nous avons donc traversé l'Espagne toute la nuit. Alors, quand je suis parti, je ne savais pas si je reviendrais un jour, bien sûr. Donc, le camion m'a laissé à Hendaye, déjà à l'intérieur, donc en France. Oui. Et j'ai essayé de faire du stop pour Paris. Bon, j'ai passé toute la journée, je n'ai pas réussi. Et puis la nuit, avec le peu d'argent que j'avais, j'ai dit je vais quand même prendre un train, et j'ai pris le train jusqu'à la gare d'Austerlitz. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'immigrés portugais. Les immigrés portugais sont arrivés l'hiver 62-63. C'est là qu'il y a eu la première grande vague d'immigrés portugais en France. Mais il y avait beaucoup d'immigrés espagnols qui allaient travailler en Allemagne. Je me souviens, un disait « Oui, si je trouve du travail en France, je reste tout de suite en France. » Mais bon, il allait travailler en Allemagne. Moi aussi, quand je suis parti du Portugal, ce n'était pas pour rester en France. Je devais aller à Hambourg parce que les copains de la plage, là, à Setúbal, on devait aller travailler déjà dans des cargos à Hambourg, je devais y aller. Moi, je suis allé seulement 20 ans après à Hambourg, au port d'Hambourg. Voilà. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas de portugais, mais j'ai commencé à travailler au Hall, en effet, mais pas de Rungis, au Hall de Paris. Au bout d'une semaine, j'avais les mains pleines d'ampoules. C'était le 14 juillet, j'avais mes 20 ans, enfin, pas encore, mais presque. Et j'ai entendu de la musique, je suis allé au Saint-Michel. J'entends parler portugais. Et bon, et voilà, et j'ai rencontré donc des ouvriers portugais qualifiés qui étaient là, donc, mais qui étaient plutôt des régions industrielles du Portugal. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir ma première carte de travail et ma première carte de séjour. Bien, merci Vasco pour ce premier témoignage. On y reviendra tout à l'heure. On va peut-être nous chanter une petite chanson. Alors oui, j'ai oublié tout à l'heure, j'ai oublié de dire quelque chose. C'est qu'évidemment, on est parti du Portugal sans passeport, hein, puisque le Portugal ne donnait un passeport que quand on avait accompli le service militaire. Voilà. Oui. Ou alors, dans des cas comme Vasco a cité, bien avant, donc tu avais 18 ans, c'est ça? J'avais 19 ans. 19 ans. Donc, la majorité était à 21 ans. Donc, normalement, si tout allait bien, on allait à l'armée à 21 ans. Oui. D'ailleurs, après, ma famille a été inquiétée, bien sûr, par la police politique, du fait que je ne suis pas retourné. Et la tienne, oui. Aussi, moi c'est la police militaire qui est venue chez mes parents savoir où j'étais. C'était la police militaire parce que j'étais déjà rentré à l'armée. Donc mon père a dit, je sais pas, il est parti. Il avait l'habitude déjà. Il est parti. Et on va écouter Pierre quelques minutes pour une de ses chansons. Monsieur Pierre. Et cette chanson qui s'appelle « Bout d'océan », elle parle d'un sujet qui touche actuellement, parce que c'est le sujet des migrants qui traversent la Méditerranée sur des bateaux de fortune. Nous sommes à la dérive depuis cette nuit, dans ce vieux rafio qui prend l'eau comme un vulgaire tronc. À l'aube, l'équipage était parti, emporté par le seul canot qui était toujours d'aplomb. À bord, il y a toutes les ethnies, de la Mauritanie au Congo, entassées sur le pont. Doucement la colère se fait dépit, bercée par le calme des flots, sous un soleil de plomb. Il n'y avait qu'un bout d'océan entre ma vie et mon rêve. Là-bas j'avais les pieds dans le ciment et le voyage au bout des lèvres. L'horizon était comme un aimant ou un idéal qui s'achève pour effacer ce bout d'océan. Nous sommes à la dérive depuis des heures, mais je ne saurais dire combien. Je n'ai plus la notion du temps. Notre bout d'océan est un désert où l'espoir ne s'accroche à rien pour notre châtiment. En embarquant dans cette galère, je prenais mon existence en main. J'ai pris de l'avance sur mes plans. Pour échapper à la misère, je ne sais pas si c'est le destin, mais là-haut, est-ce qu'il nous attend? Il n'y avait qu'un bout d'océan entre ma vie et mon rêve. Là-bas j'avais les pieds dans le ciment et le voyage au bout des lèvres. L'horizon était comme un aimant ou un idéal qui s'achève pour effacer ce bout d'océan. Il n'y avait qu'un bout d'océan entre ma vie et mon rêve. Là-bas j'avais les pieds dans le ciment et le voyage au bout des lèvres. L'horizon était comme un aimant ou un idéal qui s'achève pour effacer ce bout d'océan. Monsieur Pierre, merci à vous. Pour merci. Cette belle chanson chantée en direct du studio de Radio Libertaire, où nous continuons l'émission de l'Union pacifiste Civis Pacem avec les témoignages des insoumis et déserteurs du Portugal pendant la période, la sombre période coloniale. Oui, exactement. En fait, ce que je peux proposer aux deux témoins, c'est-à-dire à Vashk et à Rouille, c'est peut-être d'aborder un peu la question du après. C'est-à-dire que donc ils arrivent en France, donc ils trouvent du boulot, ils arrivent à survivre, ils rentrent dans la société française et portugaise de France très sûrement. Et l'idée, c'est que au Portugal, c'est encore la dictature. Merci. Et qu'ils vont aussi créer des liens avec des jeunes gens comme eux, des garçons, des filles, et vont participer à l'opposition à la dictature portugaise de différentes manières, et aussi de ce que je sais de vos trajectoires, animer ou faire partie ou connaître des réseaux qui poussaient à la désertion ou qui aidaient les déserteurs qui arrivaient comme vous. Voilà. Donc c'est moi, je sais pas qui veut commencer, mais je voulais vous poser un peu cette question. Oui. Alors, honneur au plus ancien. Merci, jeune homme. Voilà. Les premiers temps, je rencontrais tous les samedis soirs du côté de la place Saint-Michel. Il y avait un café où je retrouvais tous ces personnes que j'avais connues le 14 juillet 1961. Et parmi eux, il y avait des anciens qui avaient fait la, des anciens du Parti communiste portugais, qui étaient déjà des dissidents, mais qui avaient été longtemps en prison à Peniche. Et j'ai rencontré d'autres, toujours un peu plus âgés, disons le plus jeune, c'était moi, puis il y a un autre jeune qui est venu, mais on était vraiment tout jeunes par rapport aux autres. Donc des gens qui étaient contre le régime, mais bon, c'était les conversations. Alors j'ai participé pendant une période à une commission d'aide aux familles des prisonniers politiques. On essayait de trouver des fonds et faire connaître la situation au Portugal. Mais faire connaître la situation au Portugal de ces années-là, même quelques années après, ce n'était pas facile. Le Portugal était en quelque sorte ignoré par l'ensemble de, enfin, de l'opinion publique française et même des journalistes. C'était quelque chose de très loin pour eux. Et faire passer quelque chose sur le Portugal, c'était très difficile. Parfois, il y avait, l'Humanité ou alors le Figaro qui parlait un petit peu de s'il y avait eu des opérations militaires en Angola, mais à part ces deux journaux... Sûrement avec des points de vue très différents, d'ailleurs. Oui, oui, oui, mais c'est ce qu'on trouvait. Il y a le Monde Libertaire qui a parlé de l'Angola. Moi, j'ai même, un jour, on m'a fait cadeau du Monde Libertaire de février 61 qui parlait du début de la lutte armée en Angola. Ah oui, mais je ne connaissais pas. Non, parce que en fait ce que je pouvais lire, c'était la presse française. Et j'étais assez friand parce que pour moi déjà c'était extraordinaire de pouvoir lire ce que je voulais, quoi, au niveau de la littérature. Il y avait des auteurs qui étaient pas dit, qui étaient interdits au Portugal, que c'était impensable de lire. Quand j'ai lu Gorky, c'était clandestin. C'était des éditions brésiliennes qui étaient dans des bibliothèques disons cachées. De Jorge Amado, par exemple, aussi, un écrivain brésilien. Enfin, tout ça, c'était, pour moi, c'était j'étais un peu émerveillé, quoi. Il y avait une comment on appelle ça, une répression contre les livres totalement absurdes et stupides. Excuse-moi d'interrompre, mais par exemple, quand ils sont venus fouiller chez mon père, quand Lapide est venu, il y avait donc un certain nombre d'agents qui fouinaient dans la bibliothèque de mon père, et à un moment donné, il y a un agent qui s'est tourné vers le chef, qui était Sanche Lorps à l'époque, c'était quelqu'un de connu de Lapide, et qui lui dit chef, j'ai un livre ici, je sais pas si on doit l'amener ou pas. Et le chef, il lui dit, il y a quoi comme titre dessus? Il y a le rouge et le noir. Il y a rouge dessus? Oui, on embarque. Voilà. Donc, eux-mêmes, ils ne savaient pas trop, quoi. C'était... Ah oui, oui. J'étais encore au collège à Setúbal et il y a eu, on a pris connaissance, nous les jeunes, avec un jeune de Guadeloupe qui était un poète. D'ailleurs, bon, on a découvert ça après. Moi, j'ai connu ça. Je suis ça bien après qu'à Paris, d'ailleurs, que je l'ai rencontré. Et ce jeune Guadeloupien, il faisait des photos avec des amis journalistes suisse dans les bidonvilles qu'il y avait autour de ma ville. Il y en avait deux ou trois assez importants, d'ailleurs. Les bidonvilles, ce n'était pas seulement plus tard autour de Paris, déjà à Setúbal dans les années 60-50, et ils existaient, les 60. Ils ont été arrêtés par la police politique. parce qu'il faisait ses photos. Et ils sont allés donc chez lui, il était dans, dans une maison à Setúbal, et ils ont trouvé Racine, et ils ont fait Racine, Lénine, c'est la même chose. C'est pour dire que c'était la bêtise. Oui, oui, complète, oui. Hein, enfin l'ignorance, notre culture. Il fallait pas trop demander, voilà. Non, oui. Et du coup, tu nous as tenu en haleine, du coup, sur après ce 14 juillet, les rencontres que tu as faites et. Oui, c'était c'était une période qui a fait que j'ai avec d'autres jeunes qui commençaient aussi à venir, et d'autres comme moi d'ailleurs, qui cherchaient à s'engager en quelque sorte. Et on a trouvé, donc moi c'est la commission, bon, mais ça fonctionnait pas très très très bien. Il y avait des catholiques et des gens liés au Parti communiste portugais, mais ça s'arrêtait là. Bon, il faut dire que nous, on était assez emballés avec ce qui était Cuba, Che Guevara, etc. Et on voulait participer dans des actions, quoi. Bon, c'était un peu la jeunesse et moi, en ce qui me concerne, j'ai quitté le Paris, j'ai un peu bourlingué en Europe, j'ai toujours travaillé depuis toujours, et j'ai travaillé à Londres, en Angleterre, et j'ai participé dans les manifestations anti-apartheid en Angleterre, et de retour à Paris, et j'ai participé dans des manifestations contre la guerre du Vietnam, en fait. Ce qui est fait qu'on arrive à mai 68, et là, je plonge avec des amis français au comité d'action de Paris 14e. Et là, on me pose la question, donc des activistes. Alors, il y a le Portugal. Et je ne pouvais pas préciser beaucoup de choses sur le Portugal. Ça fait que depuis cette période, disons à partir de juillet, août, septembre 68, j'ai recherché à les activistes portugais, et c'est là que j'ai plongé complètement dans l'action avec des groupes portugais. Et j'ai commencé à recevoir ou à trouver des logements pour beaucoup des déserteurs insoumis et d'autres jeunes, avec l'aide et le soutien d'amis français que j'avais connus à cette époque. Des amis extraordinaires, donc des gens jeunes, moins jeunes, des camarades qui avaient fait la résistance et qu'ils avaient une certaine expérience. Et ce qui a fait que je suis entré avec des liens avec des gens qui travaillaient contre la guerre, enfin qui était très activiste au Portugal, à l'intérieur du pays, contre la guerre coloniale. Et comme ça, on a créé des réseaux de soutien qui partaient du Portugal jusqu'en Suède. Je me souviens que à cette époque, j'appartenais à un groupe du service civil international, et que nous avons donc accueilli quelques déserteurs et insoumis portugais, en commençant, ceux qui n'avaient rien, ils commençaient à faire un travail bénévole avec nous, ce qui les a amenés à trouver ensuite, avec notre aide, un travail plus conséquent. Mais on a participé un petit peu, très modestement, à cet accueil. Vas-y, Hugo. Non, je voulais en fait juste insister sur l'existence de ces groupes qui, même s'ils n'étaient pas majoritaires, c'était même d'obédience diverse, hein, politiquement, mais qui faisaient un travail politique en France, avec ou dans l'immigration portugaise, et notamment sur la question de la désertion. Donc moi, je voulais juste vous lire un court texte. C'est un extrait, en fait, d'un manifeste anticolonial qui va nous permettre de discuter avec Maurice, parce que le titre s'appelle « Déserter avec vos armes ». Ah, oui. Voilà. Donc je vous lis l'extrait. Le mouvement anticolonial a grandi rapidement. La jeunesse se mobilise contre les ordres de la bourgeoisie, contre les faux mythes de la patrie et de l'honneur à défendre sur les champs de bataille des colonies portugaises. L'ampleur de cette action politique a créé un nouveau problème aux jeunes révolutionnaires. Nous devons déserter toujours et en toutes circonstances. Mais cela ne nous mettra-t-il pas définitivement dans une position d'exil démobilisateur ? Les départs constants de militants pour l'étranger n'iront-ils pas affaiblir le combat que notre peuple mène aujourd'hui contre le capitalisme ? Notre réponse à cette question est la suivante. Le mot d'ordre « désertons toujours et en toutes circonstances » correspond aux intérêts des communistes révolutionnaires. S'il n'y avait pas les milliers de réfractaires et de déserteurs, le gouvernement ne serait pas obligé d'allonger la durée du service militaire, bien que les colonialistes sachent que c'est une mesure impopulaire qui groupe chaque fois plus de couches de la population contre leur politique. En dehors de ça, toute autre agitation politique à l'intérieur de l'armée doit être fondée sur les principes de non-collaboration à la guerre criminelle. Donc voilà, c'est un extrait donc de ce manifeste Du Kommunist, qui était un groupe qui était, on pourrait le définir comme Mao Spontex, assez libre. Et du coup, qui essayait d'avoir une position qui est difficile, qui était... non pas la position du Parti communiste portugais qui, il faut le rappeler, ne soutenait pas la désertion, et une c'était pas non plus un soutien à la désertion tout court. Donc ils essayaient de se positionner en tant que nous déserteurs, comment on peut agir comme levier contre la dictature au Portugal. Et c'est une position évidemment discutable, mais voilà, c'était... Et moi, je voudrais juste ajouter quelque chose, parce que quand on arrivait à Paris, on était un petit peu perdu, là, on ne savait pas trop. Et quand Vasque, tout à l'heure, il parle de Saint-Michel, il faut préciser qu'il y avait le café Luxembourg, en haut du boulevard Saint-Michel, où se réunissaient... C'est plus tard, hein. Ça, c'est plus tard, ça, oui. Ah, enfin, moi, quand je suis arrivé en 71, c'était ça. Et puis, il y a autre chose qui est importante, que je ne sais pas si ça existait quand toi, tu es arrivé. En tout cas, en 71, quand je suis arrivé, ça existait. Et ça a été pour nous extrêmement importante. C'était la cave de chez Maspero. Ah oui. Les deux librairies Maspero qui avaient rue Galande. Je crois que c'est rue Galande. Oui. Donc il y avait deux librairies et Maspero avait mis à disposition le sous-sol d'une des deux librairies à tous les groupuscules et groupes révolutionnaires. Il y avait de tout. Donc c'était un passage obligé. Le samedi, quand on se promenait du côté de Saint-Michel, on allait toujours. Bon, déjà, tous les groupes politiques de l'époque laissaient leurs papiers chez Maspero, donc nous on ramassait, on savait exactement les activités qu'il y avait un peu de partout, mais il y avait aussi d'Amérique latine, de partout, c'était un endroit incroyable, un point de... où tout le monde savait que quand on voulait des renseignements, surtout, même sur l'Angola, puisque moi j'ai toujours été... très proche de tout ce qui s'est passé sur l'Angola avec les Angolais, le peu d'Angolais qu'il y avait à Paris, si on voulait faire passer quelque chose, comme vous savez, à l'époque il n'y avait pas d'internet, si on voulait faire passer quelque chose, c'était là, c'était à la cave de chez Maspero. Oui, c'était très connu, même pour les Français, évidemment. Voilà. On va peut-être passer un peu de musique avec notre ami Pedro, là, qui va nous mettre une chanson portugaise, je pense, hein. Alors, je vais mettre une chanson capverdienne. « Et vous êtes toujours fidèle à Radio Libertaire, à l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste, où nous vous parlions donc des déserteurs et, d'un, et des insoumis de l'époque coloniale portugaise. Hein. Hugo, tu avais. Oui, non, mais je me disais que c'était intéressant et que ça faisait sens en fait de parler plus directement de la guerre. Des guerres coloniales, parce que c'était plusieurs fronts, et parce que sinon on pourrait passer à côté de ce qui était une véritable boucherie. Et donc d'abord je voudrais juste rappeler le nombre de morts, hein. C'est très prosaïque, mais ça permet de comprendre. Il y a eu, de ce que disent les historiens, à peu près 50 000 morts en Angola, 10 000 au Mozambique, d'Angolais et de Mozambicains. Du côté portugais, il y a eu, on dénombre un peu plus de 8000 morts, ce qui est très peu par rapport aux Angolais et aux Mozambicains, mais on compte plus de 15 000 mutilés de guerre ou de gens traumatisés, ce qui est un nombre incroyable, qui, en termes de proportion, je pense qu'on ne doit pas être très loin de la guerre du Vietnam et des choses comme ça. Ah ouais. Et pour étayer un peu cette question de la réalité de la guerre, la guerre coloniale en plus. Je voulais vous lire un témoignage d'un déserteur qui a été envoyé au bulletin du comité de soutien aux déserteurs portugais de France. Donc c'est une autre publication qui est en français. Et donc ça a été publié en avril 1972. Donc le déserteur en question a envoyé un témoignage assez long et je vais vous lire un extrait qui s'appelle « Un village rayé de la carte ». À 15 ou 18 km en partant de Vila Cabral en direction de Mponda, près du lac Niassa, il y avait un village dont il n'a pas retenu le nom, où vivaient à peu près 200 personnes qui se consacraient presque toutes au travail agricole et composées dans leur quasi-totalité d'enfants et de femmes, les hommes étant partis dans les rangs du Frelimo. Donc ça se passe au Mozambique. Hein. Un jour, un détachement de l'armée colonialiste qui effectuait une mission de ratissage a été l'objectif d'une mine placée dans la Picade, c'est une route non traitée dans la brousse, tout près d'un village. La troupe colonialiste prépare la grande fête de revanche. Connaissant leur méthode, quatre guerriers du Frelimo sont venus pour faire partir la population dans des zones placées sous leur contrôle, donc pour évacuer le village à temps. Cette même nuit, au lever du jour, des éléments de la PIDE et des Africains habillés de sipayos, donc c'était les complices de la PIDE, mais côté africain. Au total, 40 personnes, armées de mitraillettes, grenades et bazookas, sont entrées dans le village où tout le monde dormait. Le village a été encerclé, ils ont fait sortir tout le monde et les ont placés en ligne. Ensuite, ils les ont massacrés en tirant des rafales de mitraillettes. Ceux qui voulaient le plus s'amuser lançaient des grenades, jouant au film américain. Les survivants ont été faits prisonniers. Ils ont été torturés et tués ensuite. Ce village a disparu de la carte ainsi que ses habitants. Un des officiers les plus cruels et spécialistes de la torture avait été inspecteur de la police judiciaire au Portugal. Il ne se rappelle plus de son nom. Voilà, donc ça c'était l'extrait. Le témoignage continue avec un chapitre qui s'appelle « Napalm ». Donc je vous laisse imaginer un peu l'horreur des choses qui sont envoyées. Et je rappelle en tout cas à ceux qui connaissent ces images que les images connues des guerres coloniales portugaises, c'est quand même des soldats qui jouent avec une tête, qui jouent au foot avec une tête d'un Angolais, je pense, ou d'un Guinéen. Voilà. Oui, cette image-là a commencé dans l'histoire de l'Angola qu'on étudie, autorisée par le Portugal, ou du côté de Bié, qui est une région centrale de l'Angola. Un chef de village ne voulait pas se rendre, ils ont fini par l'attraper, mais comme ils étaient encerclés par tous les villageois, ils ont trouvé une astuce pour faire fuir tout le monde, c'est qu'ils ont, tué le chef de village, ils lui ont coupé la tête, ils ont planté sa tête sur un piquet, et puis après, c'était un piquet qui faisait 3 mètres de haut, et après ils se sont promenés avec la tête du chef dans les alentours, et ils ont fait fuir tout le monde. Cette image-là, donc c'est une image du début de la colonisation, parce qu'il faut quand même rappeler que l'Angola a été une colonie portugaise pendant 5 siècles. Et il y a eu, on peut dire qu'il y a eu constamment, depuis le début de la colonisation, il y a eu des guerres entre les armées coloniales et d'abord avec la reine Jinga de l'Angola, et ensuite avec toutes sortes de mouvements. Il y a toujours eu des royaumes en Angola qui ont toujours réindiqué la liberté du peuple angolais. Donc ensuite, à partir de 4 février 61, et je dis le 4 février 61, qui est le début de la guerre en Angola, et qui est une date très symbolique, il y a même eu des mouvements qui se sont appelés les mouvements du 4 février. Et à partir de ce moment-là, disons que les fronts de guerre entre l'armée portugaise et le MPLA, ou le MPLA pour ceux qui venaient de la région de Luanda, et puis après la région du Nord, il y avait les plous, les flous, etc., qui ont été regroupés au sein du FNLA, qui était très soutenu par le Zaïre. D'ailleurs, il y avait l'armée du FNLA était mélangée de Zaïrois et de Angolais qui étaient de cette région-là du Nord, prétextant qu'il y avait eu une immigration massive vers le Congo, parce que le Congo belge a été libéré avant l'Angola. Donc il y a eu un échange entre les deux pays, et il y a eu une immigration massive du nord du Portugal, du nord de l'Angola, pardon, qui a fui vers le Congo. Donc, à cette période-là, à chaque fois que l'armée portugaise investissait un village, ils ont toujours utilisé la technique de la tête coupée. En haut de moi, j'ai même un ami chanteur qui a vécu à Paris, qui a chanté longtemps à Paris, qui était tête à l'Inde, qui a vu, lui, personnellement, gamin, il a vu la tête de son père plantée dans un piquet. Donc c'est une technique de terrorisme que l'armée portugaise a utilisée de tous les temps. Donc moi, j'ai vécu en Angola de 61 à 66, c'est-à-dire, non, j'ai vécu beaucoup plus longtemps que ça, hein, puisque j'ai vécu jusqu'à là. Mais disons que la guerre a commencé en 61, moi je suis parti en 66. Et à cette période-là, comme j'ai été que dans les villes, j'ai beaucoup plus senti, évidemment à Luanda, mais j'étais gamin, j'étais petit, mais quand même, je me souviens de plein de choses qui se sont passées, et surtout de plein de gens qui disparaissaient, qui partaient, qui allaient probablement dans les prisons, mais probablement aussi au maquis. Et puis après, j'étais dans une ville du centre de l'Angola, qui était à l'époque, pompeusement, ça s'appelait Nova Lisboa, mais en fait, c'est la ville d'Ouambo, la région d'Ouambo, c'est les hauts plateaux, où il ne se passait pas, il n'y avait pas de guerre, mais en fait, il n'y avait pas de guerre. Mais c'est là qu'il y avait toutes les casernes, toutes les cours préparatoires, l'école des soldats. Tout se passait là. Il y avait des mouvements énormes d'armées dans tous les sens. Il y avait pas, quand on sortait, on allait dans un café. Il y avait des militaires partout. Il y avait des véhicules militaires qui circulaient dans cette ville dans tous les sens. On ne pouvait pas ne pas savoir qu'il n'y avait pas la guerre. Parce que bon, il faut quand même que je vous dise que l'Angola est un pays trois fois plus grand que la France, avec très peu de population. Même aujourd'hui, il y a eu différentes guerres, il y a même eu des guerres après l'indépendance. Mais aujourd'hui, l'Angola a, en gros, entre 12 et 15 millions d'habitants. On ne le sait pas exactement. Il n'y a pas de recensement de faits vraiment véritables, à part dans les centres, les grands centres urbains. Donc à l'époque, c'était un pays quand même très grand, et les fronts de combat, c'était le nord de l'Angola, qui descendait jusqu'à 50-60 kilomètres de Luanda, et puis le front de l'Est qui a été créé par un autre mouvement, le nord, c'était le MPLA, le mouvement pour l'indépendance de l'Angola, qui avait été créé entre autres par mon père, et l'Est, c'était l'UNITA, un mouvement créé par Jonas Savimbi, qui était quelqu'un proche des missions adventistes de Ouambo. Donc là, c'était des gens, ce qu'on appelait les Bailundos, c'est-à-dire les gens de la région de Ouambo. Il a créé ce mouvement. On a dit beaucoup de choses, que c'était un mouvement plus ou moins créé avec l'aide de l'armée portugaise, qu'ils étaient habillé et armé par la. On a dit beaucoup de choses, mais on a tellement dit de choses que on peut plus faire des affirmations aujourd'hui dans un système de délation, de police, de tout ce qu'il y avait en Angola. On a eu droit à tout là-bas. Il y a les gens qui allaient en prison et qui résistaient malgré la torture, etc. Parce que la torture était quand même quelque chose qui était utilisé à la fois par la police politique, mais à la fois sur les fronts où la police politique n'était pas forcément présente. La police politique, en règle générale, était utilisée dans les centres urbains. La torture était utilisée par l'armée. Par des soldats du contingent. Des contingents, il faut le dire. D'ailleurs, voilà. À ce propos, il faut rappeler aussi la dichotomie entre la torture qui était employée au Portugal aussi par la police politique. Mmh. Et le degré encore plus extrême de torture qui était pratiqué dans les colonies, au-delà même du front. On voit très bien dans le film 48 de Susana Sousa Dias, qui a été primé ici à Paris au Festival du Réel il y a quelques années. C'était vraiment, il y avait un traitement pour les opposants blancs et un traitement pour les opposants noirs, ou en tout cas africains. Moi je pense, tout ce que j'ai entendu, puisque quand même... chez mon père à Lisbonne, enfin chez mes parents à Lisbonne, circulaient énormément de gens, et tout ce que j'ai entendu sur la torture qui était faite par la PIDE, par la police politique, et c'était hérité de... ils avaient fait leurs écoles chez la Gestapo. Hein, parce que la police politique portugaise a commencé à faire de la torture très très tôt, hein, pratiquement juste après la prise de pouvoir de Salazar, hein, parce que Salazar n'était pas le président de la République, il était le président du Conseil, hein, mais en fait c'était lui qui dirigeait tout, et très rapidement après son arrivée au pouvoir, il a instauré une police politique qui... voilà. Bon, alors, oui, tu voulais ajouter quelque chose, toi, là-dessus? Oui, je voulais rappeler que Angola, c'est un pays très, très, très riche. Et par exemple, tu parlais de l'Est, donc c'est la région des diamants. Mm-hmm. Donc, en Angola, il y a le pétrole, tout le monde le connaît aujourd'hui en France, je crois. Mais il n'y a pas que le pétrole. Angola Gate. Il n'y a pas que le pétrole. C'est un pays très très riche, donc ça a toujours été convoité, exploité par les colonialistes portugais, notamment le café et d'autres matières, enfin d'autres richesses, mais a toujours été convoité par tous les impérialismes. Il continue donc à être un pays qui a d'immenses richesses. Malheureusement, ne sont pas très bien distribués, hein, loin de là. Alors juste un mot pour vous dire que dans les années 60, il y avait déjà la présence des Suédois pour les diamants de l'est de l'Angola, de la province de Luanda. Il y a la présence de Petroleum Gulf Oil dans la province du nord de l'Angola, à Cabinda. Et la présence de Belges, Français et Allemands dans la région du centre de l'Angola, dans les hauts plateaux, pour les mines de fer. Voilà. Hugo, tu voulais ajouter quelques mots avant qu'on finisse ? Juste très rapidement, en fait, c'était rappeler l'investissement militaire du Portugal dans ces guerres coloniales. Encore une fois, pour donner un sens plus global à ce qu'on est en train de dire. Donc tout à l'heure, je disais qu'il y a eu à peu près 200 000 déserteurs. C'est les nouveaux chiffres cités par un historien qui s'appelle Miguel Cardina. Et il explique que le Portugal, à l'époque coloniale, était le pays qui avait le plus d'hommes en armes dans tout l'Occident, à l'exception d'Israël. L'équivalent serait, par exemple, pour les États-Unis, au moment de la guerre du Vietnam, ils ont envoyé à peu près 500 000 hommes. Et si on faisait en proportion du cas portugais, ils auraient envoyé 2,5 millions d'hommes au Vietnam. Donc on imagine l'effort pour le pays, et aussi du coup la force de du mouvement de désertion et d'insoumission. Est-ce que dans ces chiffres, on compte aussi tous ceux qui ont déserté depuis les colonies ? Alors je pense que c'est une des révisions, parce qu'on disait avant, on disait souvent 100 000, et lui c'est 200 000 en fait, c'est 200 000 personnes qui ne se sont pas présentées à la conscription. D'accord. Et nous arrivons à la fin de cette émission passionnante, mais on ne peut pas aller au-delà du temps. Heureusement, effectivement, que la dictature a été supprimée en 1974. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu de problème après, mais c'était pas. Évidemment, ça n'était pas cette grave dictature. Et en 1976. Le Portugal a vu arriver le premier statut des objecteurs de conscience. En France, c'était en 63, donc le Portugal s'est décidé en 76. Et comme il n'y a pas eu de décret d'application pour le service civil, il faut dire que le Portugal a été le seul pays, à ma connaissance, qui n'ait pas poursuivi les objecteurs qui avaient fait acte d'objection. Tant qu'il n'y avait pas de service civil, ils ont été tranquilles, ils n'ont pas été pourchassés. Après 76, hein, je précise. Et puis en 2004, évidemment, la conscription a été suspendue, hein, non pas supprimée, mais suspendue comme en France. Je vous donne deux petites informations. Vous pourrez. Pour ceux qui aiment bien les concerts, vous pourrez entendre notre ami Alain Orange samedi 21 octobre à 17h30 à Publico, la librairie 145 rue Amelot. Comme ça, vous pouvez en même temps jeter un coup d'œil sur tous les bouquins. Et puis, notez déjà sur vos tablettes Serge Ugeroyo, notre ami Serge, qui chantera le 23 novembre au 20e théâtre à 20h. Merci Hugo, merci Rui, merci Vasco, merci Pedro. Merci à vous tous. Et pour cette belle soirée. Et Monsieur Pierre aussi. Et Monsieur Pierre, qui était là avant de partir. Monsieur Pierre qui a bien chanté. Et je veux dire que ça nous a semblé très intéressant d'inviter ses amis portugais. À la prochaine fois. Au revoir. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parle, un tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, quand mon âme et conscience,